matinale des 18h, l'émission décalée des Fat Jet. Bonjour matinalien de la matinale de... Matinalien et matinalienne, bien évidemment, parce que j'ai oublié. Absolument. Allez, de la matinale de 18h, comment ça va bien? Ça ouais, va et toi, mon cousin? Ça va. Ouah, Sam! Moi, on a Samuel autour de la table. Samuel, c'est un stagiaire qui est là depuis... Mais waouh, lundi, quoi. C'est... Et t'es toujours là alors qu'on est jeudi. C'est formidable. Oui. C'est... Ça se passe bien, ton stage? Oui, ça va, c'est cool. Qu'est-ce que t'as fait mercredi, alors, hier? Ouais. L'émission est à peine enregistrée un mardi. Vas-y, improvise. Eh ben, j'ai... Merci. Ah, et on a James autour de la table. Et c'est pas étonnant, c'est la première fois qu'on a un stagiaire depuis genre 2 ans. Ouais, c'est et vrai vous qu'ils torturez été, à peine, c'est quand même, vous êtes pas très très sympa. Non, mais attends, ceci explique cela, ça fait quand même 2 ans. Et allez, en plus, ils tous dans le micro, tu sais. Non, mais ça fait 2 ans, c'est normal, hein, parce qu'ils osaient plus nous filer des stagiaires à Fat Jet, parce que voilà. Mais c'est pour ça, il est courageux, moi je le salue. Magnifique Samuel. C'est vrai. Beaucoup. James, ça va, c'est quoi ton actualité? Ça va, c'est quoi cette question qui change complètement? On était sur un truc un peu léger, etc. Maintenant, ton actualité. Bah, ton actualité, on James, demande à Samuel maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait mercredi. Je te demande à toi, c'est quoi ton actualité? Alors, mercredi, d'où moi, j'ai, il est pas le lien. Mercredi, j'ai été à la salle le matin. Mais non. J'ai été à l'impro le soir, parce que je fais partie d'une troupe d'improvisation, tu vois, comme si on n'en parlait pas toutes les 2 semaines. Dans Et voilà, on a été. C'était un beau mercredi. Hein. Il a fait bon en plus. C'est vrai qu'il a fait bon. Mm-mm. Peut-être un peu de pluie à l'aube, mais un bon, peu, mais bon, voilà. Bon. Jocelyn, ça va? On ça entend va, Jocelyn depuis bah, tout oui. à l'heure, mais il a pas eu le temps de se présenter. Bah, oui. Le pauvre. À peine, ça je viens ça fait si longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je suis pas venu sur ces ondes. C'est quoi le cocktail du moment? Le cocktail vient de changer en plus. C'est dommage parce que celui d'avant était vraiment très très bon. Mais non. Le prochain qui arrive là donc dès ce soir. Alors, il faut expliquer hein, quand même, parce que notamment Samuel qui n'est pas au courant, on a là un. Comment on appelle ça? Un barman. Un chef cuistot? Un chef cuistot, mais derrière le bar. Voilà. Un barman. De bar à cocktail. Exact. Voilà. Le cocktail du jour, je vais te le dire. Ouais, vas-y. Je vais te le dire. On a, c'est un pisco, c'est une eau de vie de. Pisco. Pas piscos, bon, après, tu sais, au pluriel. Ouais. Mais c'est une eau de vie de raisin du Pérou et du Chili. Avec du sirop de basilic, du verjus, des belles choses et plein de bonnes choses également. Mais non! Et si! Et forcément, c'est bon. Forcément, c'est bon. Bon. Bah oui, venez au cristal. Quatre bah voilà, chances, on y va. J'aime bien la façon dont tu mets ton téléphone dessus. C'est mon prompteur. C'est totalement instable. Connaissant James. Il a essayé. Taquin comme il est. Non, il va mettre un petit coup. Je ne suis pas taquin quand il s'agit de choses aussi précieuses que le texte de Jocelyn. D'accord. Ouais. Oh bah, et ben, on parle de texte. Tu mets en valeur mon texte, ça fait plaisir, ma plume, si je puis dire. Et comment toi tu vas, Tristan? Parce qu'on a fait ton actualité. Écoute, ça va, là, je suis en pleine recherche de salle pour le spectacle des Tantans pour la saison prochaine, parce qu'on prépare déjà la saison prochaine. Et puis de Cécile et ses drôles de dames, la troupe d'impro où James et moi, on fait partie. Vous jouez, quoi. Et voilà, on programme. Je suis en train de chercher la programmation. Et puis, ouais, si je viens d'avoir hier un texte grand comme ça à préparer pour faire une self-tape. Parce que il va y avoir un tournage. Ouais, il va y avoir un tournage d'un documentaire sur la vie de Charles de Gaulle. Et je dois préparer un rôle en espérant. Tu vas jouer Charles de Gaulle? Non, mais je lui donne la réplique. Je suis son colonel quand il était simple lieutenant. Ah, il va jouer l'aéroport. Pendant en fait. La Première Guerre mondiale. Ouais, ouais. Voilà. Enfin bon, je ne sais pas si je jouerai. Je suis casté. Quoi. Et je ne sais pas si on l'a déjà dit à l'antenne, mais je le dis pour nos auditeurs. Oui. Que tu joues des fois dans des petits téléfilms. Moi, j'ai eu la chance de te voir sur un téléfilm de France 2. Et voilà. Par une série de France 2. Oui. Et César Wagner. Voilà, César Wagner. Tu étais dedans. Magnifique. Il est apparu à l'écran. Dans le petit écran. Quoi. C'est ça. Voilà, et je exactement. Touche du bois. Là, j'attends la réponse pour la série Parlement, la saison 4 de Parlement. J'adore cette série. Qu'on vous touche du bois. Je touche du bois. On touche tous du bois pour toi. Mais ça, c'est le côté frustrant des castings, c'est que quand t'es pas pris, tu peux rien faire, quoi. Bah non. Tu peux pas te défendre, tu peux pas te forcer derrière la caméra, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ils sont en tournage, tu viens, j'ai eu une idée pour le rôle. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? On est d'accord. Dis-moi qu'on vous rappelle plus, mais c'est bon, il y a des raisons. Allez, on va enchaîner avec le journal, hein, moi je dis. Hein. Allez, dis-le. C'est parti. Il est 18h, passé de 5 minutes, c'est le journal de la matinale de 18h, présenté par le 2JTM. James, Jocelyn et de JT. Ouais, de JT. Mais le dernier de, non, pourquoi M, plus, parce que, M, je sais pas. M, bah, pour Samuel. Ah, oui, voilà. T pour Tristan. Et M pour Samuel, bien évidemment. On commence tout de suite avec les informations nationales et internationales avec James. Gabriel Attal félicite son gouvernement d'avoir vaincu la vague de froid ces dernières semaines. Le chef du gouvernement s'estime satisfait des premières mesures, celles des températures qu'il a effectuées. Il entend bien ne pas s'arrêter là et promet aux Français le retour du soleil à moyen terme, je cite, selon ses déclarations dans une longue interview à paraître dans Joint Culasse Magazine ce dimanche. Ah, j'adore. Après Gérard Depardieu, Jordan, je sais pas si on dit Jordan ou Jordan, bon. Jordan. Jordan Bardella ou encore Cyril Hanouna, l'émission complètement d'enquête. Complètement d'enquête. complètement d'enquête. Allez, complètement d'enquête celui-là. Prévoit un numéro de révélation sur la matinale de 18h. Effectivement, entre tyrannie, oppression des femmes, esclavagisme ou encore utilisation à outrance de l'IA, ce prochain numéro de complément d'enquête va jeter un pavé dans la mare. La matinale de 18h pourrait se voir secouée par ces accusations provenant, d'après France Télévisions, principalement d'une source interne à l'émission, ouais, phare de Fadjet. Et est-ce qu'on parle de la gestion des stagiaires? Eh oui. Oh. L'utilisation des stagiaires, ouais. Allez, on passe tout de suite aux informations locales. Non. Non? Pourquoi? Encore une? T'en veux? Oui, il y en a encore une. Hein. Oh, bah alors attends, je suis désolé. Oui, TF1, de grosses audiences samedi soir pour la Starac, grâce notamment à l'interprétation émouvante en piano-voix de Cuitas las Bananas par Julien. Effectivement, de Cuitas les Bananas, aurait été dommage de ne pas parler de cette incroyable, désolé, interprétation qui a ému aux larmes jusque Nikos Aliagas, qui a rompu sa neutralité habituelle pour déclarer « En 20 ans d'émission, j'ai jamais entendu un truc pareil ». On le salue, s'il nous écoute. Nikos. Gardez bien le podcast de cette émission, c'est pas tous les jours qu'on a une imitation d'une star faite par James. Ah ouais, non. Si, ouais, en fait, c'est quasiment c'est à toutes les émissions. Mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. Information locale, le gardien de but de Coincourt, victime d'insultes à caractère vestimentaire. En effet, le gardien de but de Coincourt a récemment été la cible d'insultes, pour le moins original. Au lieu des habituelles moqueries sur ses arrêts manqués, c'est son style vestimentaire qui a été critiqué. En effet, le gardien portait le nouveau maillot de l'équipe et ce dernier est visuellement atroce, d'après les fans de l'équipe adverse déclarant une tentative de triche malgré la défaite écrasante de Coincourt. 5 cas d'angine blanche dépistés dans la même rue du village de Loromonze. Dans cette rue unique du village où même les chats semblent tousser discrètement, l'angoisse règne. Mais les habitants ont adopté une approche dite « chacun pour soi » face à cette mystérieuse épidémie. En effet, tout le monde a choisi de continuer à vivre sans protection et sans soins, une volonté lancée par le jeune maire voulant s'assurer la réélection au prochain scrutin. Et enfin, Forcel Sougunier organise une brocante fin février pour contrer l'influence grandissante de Diarville dans le sud saint-ouen. Diarville, ce mastodonte brocantier, cela fait maintenant plus de 2 ans que Forcel voit sa brocante diminuer face à l'affluence dans la ville d'à côté. Mais fin février, les rues s'animeront d'une brocante hors norme mêlant objets vintage et spectacles vivants. Un événement où chaque étalage sera une petite scène, offrant des sketchs uniques du mime Marcel en passant par le duo comique Chevalier et Troubadour. Cette fois, c'est sûr, Diarville va se ronger les doigts. Chevalier et Troubadour. Oh oui. Et qui écume tout le Saint-Ouen. On a envie d'y aller. Hein. Ah, ce duo-là. Même pour rien acheter, ouais, on y va que pour kiffer. Ouais. Ce qui est bien, c'est que Samuel n'a même pas la référence de Chevalier et Troubadour. Ah, de quoi ça parle. Voilà. Mime Marcel, tu l'avais quand même. Mime Marcel, tu l'as. Mais non, pourquoi il l'aurait? Ben, c'est vrai. Non, mais lisez-le en commentaire. Dites-le si vous l'avez dans la page Facebook. Allez, on passe tout de suite à la météo. La météo. Une météo comment, James, aujourd'hui? Une météo poétique. Tu m'as complètement raté mon début. Alors on va la refaire. Allez, la météo. Qu'est-ce que c'est que ça? La météo. Oh toi, ma fraîcheur de janvier, partie aussi vite que tu es arrivée. Tu laisses sur mon visage si peu de cicatrices, mais tu as ajouté à mon âge une année de service. Oh toi, ma fraîcheur de janvier, ton souffle fut glacial, l'espace d'une seconde, pendant laquelle je râle comme un vulgaire burgonde. Oh toi, ma fraîcheur de janvier, dépêche-toi de former ta fidèle complice, celle du second mois en lice, et amène-nous la fraîcheur de février. Merci. Alors, wow. Tu en as pensé quoi de cette météo? Bah, j'ai rien compris. Très jeune. Il a rien compris, merde. Mince, pardon. Oh là, les auditeurs. Ouais, bah, Excusez-le. Excusez-moi. C'est non, mais c'est autant Chevalier et. Comment t'appelles d'ailleurs? Chevalier et Troubadour. Chevalier et Troubadour. T'as pas la ref, mais là, il faut que tu comprennes ça quand même. C'est de la poésie. Tu te rends compte la subtilité qu'il y a derrière? Bah, c'était de la poésie. Ouais, mais tu comprends la météo qui fait derrière tout ça. Non, mais quand en fait, même, c'est parce que si j'avais eu un ton de rap, t'aurais peut-être plus compris. Ah oui. Et ça, bah, tu as une chance, c'est que vers l'ennemi, il y aura une deuxième météo. Cette une fois-ci, météo en rap. Je la referai en rap. Oui. Cool. C'est dit, c'est fait, ça sera fait. Ça, et cool. En parlant de rap, une petite pause musicale qui n'a rien à voir avec le rap. D'accord. Et juste avant de faire la. Comment on appelle ça déjà? L'éphéméride du 25 janvier. Qu'est-ce qui s'est-tu passé un 25 janvier? Garçon, la grenade. Les micros quand même. Alors non, c'était pas Garçon Charter et c'était bien évidemment Clara Luciani, La Grenade. Quel artiste. Oh. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. Coucou à Camille d'ailleurs qui. Et je peux aussi dire un truc, c'est que j'ai appris récemment qu'il n'y avait pas de grenade dans une grenadine. Voilà. Et je sais pas quand le dire, donc je le dis maintenant. Il n'y a pas de grenade dans le sirop de grenadine? Non. On peut enchaîner là. Bah, je crois que si. Hein. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Non, non, je te jure que non. Qu'est-ce qui s'est passé, tu, un 25 janvier? Eh bien, sachez, messieurs, qu'il s'est passé énormément de choses un 25 janvier. Énormément. Déjà, on va souhaiter la Saint-Paul, qui c'est sa saint aujourd'hui. Mm. Mais on peut aussi souhaiter les Apollo, les Anani, mais sans le Z, juste un Anani. Vous en connaissez des ananis? Pourquoi il y aurait un Z dans ananis? Parce que j'ai dit des ananis. Ah d'accord. Parce que c'est... Ah oui, non, parce que c'est de l'italien. Et un ananas, des ananis. Oh oui, t'as pas mangé tous tes ananis. Bah voilà. Je t'ai fait un gâteau d'ananis. Trop nanani nanana. Oh oui. Que s'est-il passé un 25 janvier 2024? Noël. Bah on n'en sait rien parce qu'on vit la... Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé un 25 janvier 1515. Que s'est-il passé le 25 janvier 1515? C'est Marignan. Si c'est pas Marignan. Ouais. C'est pas Marignan. C'était à Reims. Ah, c'est le couronnement. C'est le sacre de quelqu'un. François Marignan. François Ier. Mais comment tu sais? Parce que Marignan, c'est François Ier. Donc j'imagine, si c'est pas lui qu'on a sacré. 1515, François 1er, c'est connu. Voilà. Mais moi, j'entends 1515, j'entends François 1er, j'entends même pas Marignan. L'Académie française a été créée également en 1635, un 25 janvier. On pense à l'Académie française. On pense à eux, ouais. L'ouverture du salon de l'automobile, c'était en quelle année? En 1515. Non, mais c'était le 25 janvier. Ah ouais, ouais. Salon de l'automobile, salon de l'automobile du cycle et des sports au Grand Palais. 1913. Non. Je dirais 1905. Non, moins, c'est moins. Moins, 1899. C'est plus. 1902. C'est moins. 1901, messieurs. Bien, bravo, c'est Samuel. Les premiers Jeux Olympiques d'hiver se sont déroulés à... À Jéricho. À Chamonix, en 1924. 24, exact. Les premiers Jeux Olympiques d'hiver se sont déroulés à Chamonix en 1924, le 25 janvier 1924. Une seule personne est morte de célèbre, c'est Ava Gardner. Ah. Comment était-elle surnommée? 25 janvier. Non, c'est quand c'est qu'elle est morte, c'est des malheureuses. C'est une pure idée, ça, de la surnommer par le jour où elle meurt. Ouais, 25 janvier. Elle n'était pas encore décédée, qu'on savait déjà. J'adore tes interventions, Samuel. On va te garder. Ton stage de 3e, on va demander à le rallonger. Ça sera renouvelé, comme la pour période tous les 15 jours. Pour l'instant, moi, je vous dis, c'est le meilleur stagiaire qu'on ait jamais eu. De l'année. Ouais. De l'année. Non, c'est elle a été surnommée la comtesse aux pieds nus. Oh, mais on le savait, ça. Mais vous ne l'avez pas dit. Il n'y a que Samuel qui n'a pas l'info. C'est vrai, Samuel n'était pas au courant. Bon, non. Naissance des personnes célèbres. Alors, j'ai trouvé énormément de gens nés le 25 janvier, mais je ne les connais pas. Sauf, non, aucun. Pardon. On va te les dire. Parmi les personnalités nées un 25 janvier, on peut citer Mia Kirchner. C'est une actrice canadienne. Claudia Kim. C'est une actrice coréenne. Toby Hooper, vous connaissez ou pas, messieurs? Ah non, je connais pas. Pour l'instant, j'ai zéro. Il est connu, c'est le dernier, important. Il est connu pour Massacre à la tronçonneuse. J'ai regardé un petit peu sa discographie. Il a fait La tronçonneuse, Massacre à la tronçonneuse, Tronçonneuse 2, Tronçonneuse fou. Réal ou acteur? Il est réel. Il est dans le monde du cinéma, il est pas acteur, mais je pense qu'il a dû jouer un petit peu. Peut-être qu'il a joué la tronçonneuse dans un de ses films. Ah oui, il est joueur. Et pour finir cette éphéméride, on finit toujours par un petit dicton. C'est vrai. Alors également, comme pour les personnes nées, j'ai trouvé un dicton que je ne connaissais pas et qui veut absolument rien dire. J'adore. C'est en janvier, si tu te saoules, toute l'année, tu patauges dans la boue. Ah ouais. En janvier, si tu te saoules, virgule, toute l'année, virgule, tu patauges dans la boue. Est-ce que tu vomis toute l'année? Non mais moi je pense que c'est si tu te saoules toute l'année. Ah non, bah non. C'est en janvier. Ouais. Ou alors t'as une diarrhée liquide toute l'année. D'accord, tu patauges dans la boue. Est-ce que c'est quoi cette boue? Ah, et tu veux dire une métaphore du métaphoriquement la difficulté que t'as à t'en remettre, en fait. Ah ouais, parce qu'à l'époque la boue on faisait pas des pains de boue. Mais c'est vrai que c'est quand même un j'ai l'impression que c'est une journée qui est assez pauvre parce que personne de vraiment très célèbre est né. Personne de vraiment très célèbre est mort. Ava Gardner, quand même. Hein. Mais je me demande si c'est pas le pire jour de l'année, d'ailleurs. L'Académie française est créée. Hein. Donc c'est le pire jour de l'année, c'est certain. Ouais. 1935. Non, mais il n'y a pas le pire lundi de l'année. C'était le Blue Monday, c'était le 11 janvier. Ah, d'accord. Okay. Mais ouais, c'est ça. Bah, c'est le même mois. On n'est pas loin. Mois du seum. Très bien. Okay, mais parce que moi, mon anniversaire, c'est le 14. Donc quelque part, je me sens un peu visé. Ouais. Mais tu es visé. T'es Capricorne. Tu es 21 janvier, toi? Non, moi c'est l'anniversaire de mon petit frère et de mon père, c'est le 22 les deux. Mais toi, c'est quand? Moi c'est le 12 décembre. Ah, mais on... Comme mon père. Il y a des liens quand même. Mais on pense à eux quand même. Il y a des liens. Ouais, bah ouais. Merci pour tout ce qui s'est passé. Avec grand plaisir. 25 janvier, on retiendra Ava Gardner. Alors on va pas écouter Ava Gardner parce qu'on l'a pas dans la box. Mais Garçon, je l'avais promis tout à l'heure, Garçon qui chante Charter. Alors allez, c'est parti. Mais tout me mène à toi, qui coule dans mes artères et me brûle les doigts. J'ai pris tous les charters, me suis perdu mille fois. J'ai mordu ta poussière, mais j'étais toujours là. On a connu tes revers, mais c'est la première fois que ça casse comme du fer, que l'on subit sa loi, écrasé par l'hiver. On a perdu la foi. À moitié moi, à moitié toi. À deux on se ment, à deux on se ment. Ça a fait des dégâts. J'ai franchi des frontières sans m'éloigner de toi. J'ai pris toutes mes affaires, je me suis cassée de chez toi. Mais dans mon île en mer, j'aimais pas le climat. Alors on fait machine arrière. C'est pas la première fois. Comme tu es comme le lierre. Oui, je m'accroche à toi. Au fond, je suis comme une pierre. Tu fais partie de moi. Garçon Charter, ce coup-ci c'est la bonne. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. Et après Camille, on a Galone, bien sûr. Hein, qui qu'on remercie fait, aussi. Bah oui, qui nous a fait tous ces petits moments de. Comment transition. De transition. De transition. Voilà, c'est ça. Allez, c'est le quiz actu. Est-ce que tu connais, est-ce qu'on t'a déjà parlé à l'école? Eh, hey, t'as écouté le dernier quiz actu, Samuel? Absolument pas. Tu sais pas du tout ce que c'est le quiz actu? Non, je sais, voilà. Je sais ce qu'est un quiz, je sais ce que c'est une actu, mais je sais pas ce que c'est un quiz actu. Bah, mais imagine. Je pense savoir. Eh ben, vas-y, c'est quoi? C'est un quiz sur des actus. Bien wow, sûr. Mais quel génie, c'est pas possible ça. Mieux que tout on monde. A vraiment un bon stagiaire. Ah ouais, là, c'est incroyable. Là, ouais, tu vas redoubler ta troisième. Et tu vas refaire ton stage de troisième. C'est ça. Ouais, chaque année. Tu vas nous donner ton carnet, on va mettre des mots dessus, tu vas voir. Ouais, ouais, tu vas voir. Mérite de retaper sa troisième pour refaire de la géographie, par exemple, ou apprendre chevalier et troubadour. Et troubadour. Ça, t'as aimé, hein, t'as aimé chevalier et troubadour. Ah là oui, chevalier et troubadour. Je te l'écrirai ouais. En message, comme ça tu réutiliseras. Alors, on va faire un quiz actu, mais en mode est-républicain. Et vous n'avez pas écouté la matinale, la vraie matinale, lundi matin. C'était à quelle heure? Bah, à 7h. C'est certain que non, alors. On l'a pas écouté. Mais j'aurais dû commencer par là, effectivement. Bah, vous étiez là à 7h lundi matin? Non. Bah, eh ben, à chaque page, il y a des infos et des infos bah, que. Alors, toi, tu regardes pas parce que tu peux voir là, mais tu regardes pas. Okay, et je sais pas ce que c'est l'Est République. Tu sais pas ce que c'est l'Est République. Bah, c'est un magazine. C'est mais ça. Non, mais c'est un journal t'as quotidien. Clover et l'Est Républicain chez le marchand de bureau. L'Est Républicain, c'est ce qui t'apprend ce qui s'est passé la veille. Voilà. Là, alors, c'est le journal local. Pourquoi on parle depuis le 1er janvier de 17 ans? C'est le permis. On peut passer le permis à partir de 17 ans. Oh, bravo! C'est oui. Vrai, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Wow, depuis incroyable. Le 1er janvier, on peut passer le permis en France à l'âge de 17 ans. Et alors, on n'est pas le seul pays, parce que l'article parle aussi des équivalents, enfin, comment ça se passe chez nos voisins étrangers. Chez nos voisins, quoi, tout simplement. Il y a d'autres pays, on va prendre l'espace européen, je dis espace européen et non pas Union européenne. La Suisse. Eh ben non. L'Allemagne. Non, mais l'Allemagne, c'est dans les deux. C'est dans l'espace? Bah, c'est aussi dans l'espace, oui. C'est vrai, bah, faut voir la station européenne. Donc, l'Allemagne, non. On est plutôt dans les pays du Nord. Attends, c'est quoi la question, déjà, voilà, en fait ? On parle des pays de l'espace européen qui sont déjà à 17 ans pour la Grande-Bretagne. Alors, on a la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, plus précisément. Hein. Non, pas le Luxembourg. Mais non, la Norvège. Non, pas la Norvège, qui est dans l'espace européen, mais qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui n'est pas à 17 ans. Je sais pas faire la différence. Je sais pas, là. La Suède ? Non, la Finlande. Attends, je te dis des bêtises. Non, pas la Suède, mais ça commence par un S. La Slovaquie. Oui, bien sûr, la Slovaquie. La Slovaquie, j'y étais il y a pas longtemps. Moi. C'est vrai, c'était comment? Bah oui, t'étais à Bratislava, toi. Oui, oui. Et t'es bratislavaque, toi, non? Ouais, je suis. Ah ouais, je sais même pas les habitants, comment on les appelle. Les Slovaques? Les Bratislaves. Ah. Les Bratislavaques, je crois. Comment il va, l'autre Bratislava? C'est pas les Bratislavoys? Bah oui, c'est ça, comme ça. Il parle court au coucou. Je toche. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que t'as des rêves de 2024. Mais il est là, il est à jour. Mais si tu crois, moi je réalise. Qu'est-ce que tu crois? Bon, c'est pas ça qui me dit un pays à côté du Royaume-Uni. L'Irlande. Bien sûr, et encore plus loin que les États-Unis d'Amérique. L'Islande. Non, l'Islande, merci. Voilà les pays. Alors, bah, tu parles des États-Unis. D'Amérique. Les États-Unis, comment ça se passe là-bas d'après toi? Le permis, tu veux dire? C'est 16 ans. C'est 16 ans. C'est état par état. Alors, c'est état. Bien joué. C'est état par état. Il y était la semaine dernière aussi, dans chaque état. Mais en moyenne, c'est plutôt aux alentours de 16 ans. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que l'article précise que en Suède, c'est 15 ans. Mais les véhicules doivent impérativement être bridés à 30 km/h. Mais en fait, nous aussi, c'est comme ça. Enfin, les tracteurs, tu peux les conduire à l'âge de 15 ans, quoi. Non, légalement, non, hein. Ah bon? Je pense que tout le monde le fait dans les campagnes profondes, mais légalement. D'accord, ok. Bon, bah écoute, voilà. Alors ça, c'était pour les 17 ans et... attends, j'avais un autre... il est où cet article? Préparez les chroniques. Et toi, Jocelyn, t'as eu ton permis à quel âge? Moi, j'ai eu sur le 18-19 ans, je dirais. Et toi alors? Moi, 18 ans. Moi, j'ai fait la conduite accompagnée pendant 2 ans. Ah, j'ai pas fait, moi. Et toi, Samuel? T'as pas ton permis? T'es en troisième, t'as pas ton permis. Ah ouais, d'accord, t'as raté ta vie, quoi. C'est ça. Non, mais il n'y a pas Je suis au chômage. Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce que vous ne faites pas en troisième le truc de. Tu sais, le permis pour apprendre à faire les mobilettes, là. J'ai presque tous mes potes qui ont un scooter et qui viennent en scooter, mais non, pas moi. Parce que moi, c'était ma hantise, c'est qu'il y avait un truc où tu étais censé faire justement le. C'est BSSR, LSSR 1 et 2, là. Je sais pas quoi. En gros, ils te mettaient des plots et t'étais en mobilette ou en vélo, et tu devais faire les épreuves. Et moi, j'avais ma hantise parce que je ne savais pas faire de vélo. Et donc, du coup, moi, si ça venait, j'aurais eu la honte devant tous mes camarades, et donc je ne voulais pas l'assumer. Et tu as fait comment alors? Bah ça n'est jamais arrivé ce jour-là. Je pense que j'étais malade ce jour-là. Ouais, bah non, on l'a jamais eu, donc je. Voilà, non, mais il y a des écoles qui sont tirées au sort pour pas l'avoir, je pense. Mais les ASSR, on va les faire au lycée. Ah ouais? Je crois, oui. Allez, et sur cette très belle information, on va enchaîner parce qu'on a un journal à faire, les enfants. Ah, pardon, oui, ça avance vite, hein, bah, voilà. Oui. Oshi, plus t'as. Quoi? C'est quoi le titre? Plus t'as dansé avec moi. Puis t'as dansé avec moi. Allez, après, juste après, ça sera le journal. J'adore. Alors voilà, il y a quelques temps, j'avais plus goût à rien. J'irais les dents, les rabattus, je répétais tout va bien. Je mettais des plans, je lâchais des vues, j'oubliais les lendemains. Je fuyais les gens, une inconnue, mais j'avais besoin de quelqu'un. Pour te trouver, je suivais le vent comme rendu au chagrin. Désabusé, le cœur absent et dépourvu de soins. Ça faisait longtemps que je souriais plus, j'avais même vu ma fin. Mais je crois qu'avant j'étais perdu, t'es devenu mon chemin. Mais t'étais où toi? Pendant tout ce temps, comme je m'y attendais pas. Oh non. Puis t'as dansé avec moi, dis-tu t'en rappelles toi? Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi, et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis-tu t'en rappelles toi? Depuis je vois que ton sourire, et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut. Réveille ça, je te vois encore, toi et ton beau nouveau visage. Y'a plus personne, je suis sous mes draps, je me refais les images. Je m'illusionne du son de ta voix, j'en fais un long métrage. Y'a ta couronne qui t'attend là, même si j'ai pas assez l'âge. Tes mots résonnent même dans mes pas, je suis sur un nuage. Je suis un peu conne, je m'en remets pas, comme un long voyage. J'ai bu trop de rhum, mais à coup le pas, j'ai même perdu le langage. Tu sais, je frissonne depuis cette fois, en plus j'ai pas les chauffages. Mais t'étais où toi? Je connais pas ton nom, comme je m'y attendais pas. Oh non. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi, et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut. Je sais pas trop comment t'aborder, mais j'avoue que ça me fait un truc. Depuis tout à l'heure, je te regarde parler, alors je sais c'est un peu brut, mais j'ai envie de tout envoyer valser et qu'on parte loin, très loin. Je crois que j'ai même envie de t'embrasser et de recommencer demain après-demain. J'allais pas bien. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi, et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Et je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi, et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut, vers le haut. Yoshi, plus t'as dansé, puis t'as dansé avec moi. Décidément, j'y arriverai pas. Oh, j'ai remis le jingle du début du soir. C'est le début de la fin. Ouais. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. Bien sûr. Il est 18h, passé de plus de 32 minutes, moi je dirais. C'est le journal présenté par J2M, J2JT. Tu sais, si tu le dis pas de manière fluide, ça sert à rien. Non, non, non, mais je vais le refaire. Attends. On ouais, l'a refait, ouais. Allez. Ouais, ouais. Hein, 2JT. Non, ouais, ok. C'est le 2JTM présenté par... Il n'y a pas de M, hein. Toujours aussi. Samuel. Tu oublies Samuel. Pardon. Ouais, fois, voilà. Samuel. James, Jocelyn, Tristan et Samuel. Et JTM. Voilà. Bref, on commence tout de suite avec les informations nationales et internationales avec James. Il y a un an, jour pour jour, Pierre Palmade était encore un humoriste un peu has-been, mais quand même sympa. Voilà déjà un an que la carrière de Pierre Palmade a pris un tragique tournant et voilà bientôt un an moins deux semaines qu'on ne parle déjà plus de cette affaire. Ah, que le temps passe vite, messieurs. Oh oui. Succès grandissant pour Uber Bagarre. Uber Bagarre, effectivement, Uber. C'est une nouvelle application. Si vous avez besoin d'un règlement de compte avec cette nouvelle appli, vous pouvez commander un gaillard prêt à en découdre pour vous. Il suffit de préciser le lieu, l'heure et la personne cible, et en moins de 15 minutes, un agent de bagarre se rendra sur place pour vous, pour régler vos comptes. Le prix, seulement 50€ en cas de bagarre victorieuse et 10€ en cas de défaite afin de couvrir les frais de déplacement et d'hospitalisation. Bah ça a vraiment existé ce truc-là. Hein. Ça existe, c'est sur Le Bon Coin. Ah ouais, sur Snap, il y avait des plans Snap pour se bagarrer, ah bah aussi, voilà. Je m'en rappelle. Mais non. Mais si, mais t'as été un conflit, t'envoies une milice. Oh, une milice. Excuse-moi, mais tu prends l'Intermarché, tu prends le pot Nutella à 3€, c'est bon. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ta bagarre. Mais tu choisis pas qui compte. Mais en fait, non, c'est juste prévu. Que t'es embrouillé, tu veux pas y aller, paf, tu payes un gars, 50 balles. Ok, d'accord. Ok. Winamax va bientôt permettre, et non pas me permettra, à ses utilisateurs de parier sur les élections européennes. Enfin, un peu d'enjeu dans les élections. Le célèbre site de paris sportifs va proposer des paris sur l'élection européenne, mais va également rendre disponible une large offre de paris sur l'Assemblée nationale. On pourra ainsi parier sur la couleur de la chemise de Jean Lassalle ou encore le nombre de « mes chers collègues » prononcés en séance. Oh oui, j'adore ça. Allez, on passe tout de suite aux informations locales. Information locale avec Jocelyn. Le concours du plus grand avaleur de Mr Freeze a eu lieu le week-end dernier à Givroval. C'était une trentaine de participants qui se sont refroidis la glotte à Givroval. Le week-end dernier, plus de 200 Mr Freeze ont été sucés pour élire un seul vainqueur. Il s'agit d'Ernest Villers, âgé de 78 ans. Il a sa technique à lui, un dentier amovible et une insensibilité au froid. L'EHPAD de Nantes le Petit accueillera donc pour la troisième fois consécutive le nouveau champion. Evgeny Prigogine, l'ancien patron de la milice Wagner, présumé mort, aperçu au Super U de Hanoold. Armé d'un caddie et d'une liste de courses manuscrites, il se fondrait presque dans le décor calme d'Arnould. Mais il n'est pas passé inaperçu pour le vigile du Super U qui l'a tout de suite repéré au rayon boîte de conserve. Interrogé, il dit avoir été placé ici par le KGB en tant que, témoin sous couverture. Il a expressément demandé d'être discret et de ne pas en parler sur les médias. Affaire à suivre pour cet exclu Fadjet. Et enfin, on va à Abrechvillers avec le foyer rural de Abrechvillers qui aurait approché les ministres remplacés du dernier gouvernement de Elisabeth Borne. Approché pour la réalisation du tout nouveau spectacle de clown burlesque d'Abrechvillers. Elisabeth Borne aurait refusé en apprenant que la cigarette électronique était interdite pour les répétitions. Bérangère Couillard, quant à elle, sera bien présente pour... pour respecter la parité homme-femme du spectacle. Elle jouera donc l'assistante légère du magicien. Les autres membres évincés n'auraient encore pas répondu. Celle-là, elle était bien drôle. Hein. Ouais, elle était dure celle-là. Ah là, la news là, elle était drôle. Hein. Oh oui. Ah, c'est dommage que tu l'aies viandée. Hein. Ouais, c'est dommage. J'étais fier. On a un invité spécial, c'est quand même Samuel. Samuel qui est en stage. Lâche ce micro, Samuel, tu fais du bruit avec. C'est invivable. Voilà, c'est invivable. Mais c'est notre invité, donc on est obligé de lui parler bien. Voilà, c'est comme ça. C'est notre invité. C'est comment ma vie, quand je passe un stage de troisième, tu vas nous en parler juste après. Génie, you and me. Nobody gonna have your back like the way I do. Love it, just say you do. You know you got me. Everything you do, everything you did, everything I wish I was with makes me feel alright. I'm just saying, so I really like it. Nothing in the world can make me feel the way you do the things you do. I really like it. Nothing in the world can make me feel the way you do the things you do. I love you and me. Dancing in the moonlight, nobody can see. It's just you and me tonight. I love you and me. Dancing in the moonlight, nobody can see. It's just you and me tonight. Look at you, now look at me. Are you ever, ever gonna find someone like this? Look at you, now look at me. Are you ever, ever gonna find someone like this? You're the reason my heart skips, drops. A little touch, my world stops. Finally, I know that you're mine. I don't wanna fall. Don't wanna play this game of love. Oh, there's nowhere to hide. I really like it. Nothing in the world can make me feel the way you do the things you do. I really like it. Nothing in the world can make me feel the way you do the things you do. And me dancing in the moonlight, nobody can see. It's just you and me tonight. I love you and me dancing in the moonlight, nobody can see. It's just you and me tonight. Look at you, now look at me. Are you ever, ever gonna find someone like this? Look at you, now look at me. Are you ever, ever gonna find I don't care about your first love, this should be your last one. Nothing like your last one. You look better on me, that's fashion. Won't block your shots, lights, camera, action. Never been a love me or a love me not thing. Every pedal better tell him better not change. I love you, I love me a lot. Wait, which one I love better? Better off not saying. Jenny, you and me. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjet. Ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que, et ça fait aussi longtemps qu'on n'avait pas eu de stagiaire. Ce soir, on reçoit, bonjour Samuel. Bonjour. Samuel, tu es en stage de 3e. Oui. C'est ça. Non pas que c'est le 3e stage que tu fais, mais tu es en 3e. C'est ça, oui. En fait. Hein. C'est ça. C'est, oui. Voilà, voilà. Peut-être, comment... peut-être juste passer un bonjour à ton lycée. C'est quel lycée? C'est un collège déjà. Je suis au collège. Collège. Quelle fac? Je suis au collège. Quelle fac tu fais là? Je suis au collège Montaigu à Écourt. On pense à eux. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, puis il y a un Cora quand même. Ben, bon, il y a, vrai, y a okay. Aussi un Lidl. Et puis, attends, ils font un 3e. Merde. Je sais plus. Un. Décathlon. Un décathlon, oui, voilà, merci. Voilà, voilà. Ça se passe bien au collège Montaigu? Ouf. Oui. Question piège. Là, d'accord. Là, on sent qu'il y a des dossiers. Tu poses les bonnes questions, toi. Bon, alors comment ça se passe? Bon, alors, vas-y, tiens. Non, mais tu poses les bonnes questions. T'es tout de suite dans, le vif du sujet. Pour moi, c'est l'art du journaliste. C'est poser les questions qui font. Voilà, qui dérangent. Poser les questions qui dérangent à Samuel. Voilà. C'est bon, on va changer alors. Parce que je ne veux pas non plus déranger, même si je dis que j'aime bien déranger les gens. Mais ça se passe comment ton stage de 3e ici à Fadjet? Parce très que bien. C'est quand même ton 4e jour. Hein. Très bien. T'as fait quoi comme émission? J'ai participé. Enfin, j'ai regardé l'enregistrement du Musicomania. D'accord. C'était bien de 1 à 10, hein? Ouais. Oui. On est bien d'accord. Ouais, parce que là, il a préparé déjà 10 cartes. Ouais, ouais. Jocelyn. Moi, je suis là pour te piéger, hein, Sam. Sache-le. Mais attends, les stages de 3e, t'en as un seul dans l'année? Oui. D'accord, et c'est une semaine? Ouais. D'accord, et après, tu dois faire un rapport? Un rapport de stage de 8 pages. 8 pages? 8 pages? À 4, à 3, tu fais une page par jour, en fait. Tu vas parler de nous dans le rapport ou pas? S'il te plaît. Bah oui. Ouais. Vas-y, lâche-nous des infos que tu vas nous dire sur nous, par exemple, genre? Ouais. Genre. Tu veux qu'on te le fasse? On peut t'écrire, nous, hein. Bah ouais. Tu sais qu'ici, on connaît ChatGPT, je peux te dire que les rapports. On touche tous les rapports. Deux coups de cuir à peau. Ah ouais, déjà au collège. Et déjà au collège, bon, c'est pas écouter l'émission, donc tu peux le dire. Bah, moi, je l'utilise pas, mais j'ai des potes, ils font leurs devoirs. C'est ceux qu'on est scooter. Ah ouais, déjà au collège, on utilise ChatGPT. Bah, même en primaire. Mais non. Mais même à la crèche. Mais non. Pas idée. Bah si, pour changer ses couches. Ben voilà. Exactement. ChatGPT change les couches, en fait, des enfants. C'est pas ça. C'est que les agents des crèches sont débordés. Les agents. Et donc, ouais. Du coup, je sais pas comment on dit. L'agent crèche. Les crèchiers. La sécurité de la crèche. Sécurité en fait, crèchière. Ils ont tellement pas le temps, bah, qu'ils laissent les bébés sur un endroit et ils laissent l'ordinateur avec ChatGPT changer le bébé parce qu'ils ont pas, les bras pour. Non, mais moi, ce qui m'épate, c'est qu'au primaire des déjà, vous maîtrisiez ChatGPT et que ça, hop là, bah, ça roule. La chance de ChatGPT, c'est qu'on peut, lui écrire, on peut lui parler et il répond en fonction de comment toi tu lui écris. Donc, si t'as un enfant, il va te répondre, ça va être clair, je pense. T'as déjà essayé, Samuel? ChatGPT ou l'équivalent? Non. Non? D'accord. Jamais. Mais t'as déjà vu? Oui. D'accord. Non, mais on te demande pas si t'as tapé dans un joint. Ouais, hein, ouais. Mais dis-le. Ouais, c'est ce que ça fait. On a le droit. Non, on n'a pas le droit. Non. Je parlais de ChatGPT. On a le droit d'aller sur ChatGPT. C'est pas interdit. Tapé dans un joint aussi. Tu diras. Non. Tu dis pendant les pubs. Tu dis pendant les pubs. Voilà. Mais je sais même plus ce que je voulais dire, quoi. En 3e alors. Donc tout le monde a utilisé ChatGPT ici, quoi, sauf moi, quoi. Bah pas encore, toi. Ouais, mais il faudrait vraiment que je m'y mette. Mais James m'avait dit quelque chose un jour qui m'a fait complètement changer ma façon de vivre. Il m'a dit c'est ceux qui ne l'utilisent pas qui sont déjà en retard. Bah oui. J'ai dit ça, moi. Ouais, et en fait, en disant ça, le soir même, je me suis dit bah écoute, bon, bah, on va pas être. On va pas vieillir trop vite, on va essayer. Et c'est devenu mon meilleur ami, ce GPT. C'est vrai que c'est un compagnon de qualité. C'est fou, ça. Hein. Ouais, c'est vraiment fou. Hein. Et vous avez payé l'abonnement. C'est ça, il faut payer un abonnement. Tu peux, tu peux. Tu es pas obligé de le faire, mais. D'accord. Objectivement, c'est mieux de le payer. Moi, je sais pas. Moi, je considère que c'est un investissement de qualité parce que, mm-hmm. en fait, bon après, je sais pas si c'est de la pub ou quoi, mais enfin, c'est quelque chose qui peut t'aider dans plein de tâches et beaucoup plus que ce qu'on pense en fait. Ouais. Voilà. Exactement. Pas seulement pour faire les devoirs. Ouais. Si je suis prof, je l'utilise aussi. Ah si je suis élève, je l'utilise. Ah ouais, bah ouais si c'est vrai suis... que. Mais on n'en parle pas assez, mais peut-être que les profs utilisent à donf. Pour apprendre une langue, tu peux l'utiliser. Parce qu'il parle aussi. Tu peux échanger avec ta voix. Moi, ça m'hallucine, ça. C'est hallucinant. C'est pour ça qu'il faut. Enfin, pas il faut, mais. Bon, après, passer à côté, c'est dommage. Il y a pas mal de corps de métier. Moi, je vois dans l'audiovisuel qui vont sauter avec ça. Les doubleurs, par exemple. Les doubleurs. Les figurants. Moi, je pense, par exemple, pour les doubleurs. Donc, on parle des gens qui font les voix. Oui. Mais moi, j'y crois pas du tout, justement, à ça. Ah, parce ouais. que, en fait, ça devient très sérieux d'un coup, tu sais. Ouais, mais, oui. Parce qu'en fait, je pense que, justement, dans le jeu, moi, je pense que les trucs un peu vivants. Que ça soit l'acting ou effectivement le doublage, ouais. t'as quand même une composante que l'IA a du mal à reproduire. D'accord. Pour l'instant, ça pense. Sera peut-être que sur les vieux téléfilms, tu sais, pour les personnes âgées. Le jour où tout a basculé. Et d'ailleurs, moi, ça, c'est un truc, j'en ai parlé littéralement avec ChatGPT. Ça fait un peu bizarre de dire ça. C'est marrant, ça. Mais genre, en fait, le truc que les IA ont le plus de mal à comprendre et à imiter, c'est l'humour, en fait. Tu demandes à ChatGPT, même la dernière version, de faire une blague. Et ça sera, mais vraiment niveau zéro. Bah, t'as déjà testé. Oui, tu vois tous mes journaux. C'est quoi que t'as demandé à ChatGPT? Et en fait, d'ailleurs, je vais peut-être essayer de le retrouver d'ici. T'as un quart d'heure hein, d'ici la fin de l'émission. Mais en gros, moi, il faut savoir que j'avais un blog à l'époque et que je faisais des articles rigolos. Mmh. Et j'en ai fait beaucoup. Et donc, du coup, ce que j'avais essayé, c'était de lui nourrir tous mes articles et d'essayer de faire en sorte qu'il reproduise mon style d'écriture pour faire de l'humour. Ouais. Et en fait, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, ça ressemble. C'était un peu mieux. Enfin, c'est pas pour me vanter, mais c'était un peu mieux que ce qu'il produisait de base. Mmh. Mmh. Mais ça restait vraiment, vraiment ras des pâquerettes. D'accord. Mais par contre, il m'a sorti une phrase que j'adore et que j'ai notée. Il va me falloir un peu de temps pour la retrouver, donc on va faire une pause musicale. Hein. Merci Samuel d'avoir été parmi nous en tant qu'invité de stage 3e. Ce stage se termine bientôt. J'espère que tu auras passé une excellente expérience au sein des locaux de Fatjet. Et sache que tu pourras réécouter un podcast La Matinale 18h pour te réveiller, pour t'endormir, manger. Enfin, tu peux l'écouter tout le temps. Parle-en dans ton collège. Je l'ai retrouvé. Je lui demandais de faire des articles humoristiques sur des choses. J'avais pris au hasard le chameau et il a écrit la phrase suivante que j'adore. Un chameau, c'est un peu comme un cheval qui aurait décidé de stocker des sacs de sable dans son dos, sauf que le sable c'est de l'eau et que le cheval c'est un dromadaire. Eh ben si, tu vois, elle est très longue, mais la fin est si bien, oui, c'est très bien. Voilà, merci, je pense que c'est une bonne transition pour Arnaud Santamaria avec Aussi Libre que l'air et juste après un petit quiz actu avant la fin de l'émission. Ah oui. Allez. Le premier rendez-vous, celui qui met tout ton cœur à genoux, est déjà si loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin. Les verres qu'on a levés à la santé d'une éternelle amitié sont déjà si loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin. Oui, le temps file. Défile, mais encore tant de bonheur à vivre, juste là où le vent se lève, s'envoler, toucher d'autres rêves, traverser des plaines et puis des mers. Oh oh oh, si libre que l'air. Oh oh oh, si libre que l'air. La douceur d'une mère et la tendresse de ses bras qui te serrent sont déjà trop loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin. Le temps nous laisse bien trop de vide, mais encore tant de bonheur à vivre, à suivre. Juste là où le vent se lève, s'envoler, toucher d'autres rêves, traverser des plaines et puis des mers. Oh oh oh, si libre que l'air. ciel et des voiles pleines vers des îles et des ailes. Des îles et des ailes. Des îles et des ailes. Des îles et des ailes. Juste là où le vent se lève, s'envoler, toucher d'autres rêves, traverser des plaines et puis des mers. Oh oh oh, aussi libre que l'air. Arnaud Santamaria, aussi libre que l'air. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. Et ça y est, ça sent la fin de l'émission, ils sont tous sur leur téléphone, sauf Samuel, et je tiens à le préciser quand même, parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est le petit jeune qui est sur son téléphone. Non ! Il est en stage, il est sur son tel, là, oh là là. Excuse-nous de préparer la suite de l'émission. Mais oui, on regarde les infos. Mytho. Bah si, on regardait s'il n'y avait pas une info de dernière minute dont on pourrait parler. Et ben, en parlant d'infos de dernière minute, tiens, on va passer sur l'Est Républicain, puisque c'est le quiz actu et c'est des informations de dernière minute, forcément. On va sur un article de l'Est Républicain. Je le cache parce que toi, tu vas regarder, je suis sûr que tu vas regarder. Mais il ne sait même pas ce que c'est que l'Est Républicain. Ouais. Comment il pourrait... Et là, il n'a jamais lu sur du format papier. C'est vrai. Lundi. Oui, en plus, oui, c'est vrai, t'as jamais lu sur un. Si, j'ai lu des magazines. Ah, des magazines, oui. Quel magazine tu lis ? 5 majeurs, c'est un abonnement. 5 majeurs ? Bah, ah oui, c'est du basket, ça. Ouais, c'est qui c'était déjà de mon temps. Wow. C'est sur Wembanyama ? Entre autres. Bon, je peux poser ma question. Absolument, pose là. Voilà, c'est un article de l'Est Républicain. Ah bon ? On en mange. C'est un aliment que je vous demande de deviner. On en mange 2,9 kilos par an. Plastique ? Du plastique ? Ouais. Ah non. Ça aurait pu. Je crois qu'on a l'équivalence d'une carte bleue par semaine. Pas quand même, 2,9 kg par an. et 82% des foyers en achètent. Voilà. C'est un article parce que la production française a le vent en poupe au niveau européen. Pour ainsi dire, on est les premiers producteurs européens. La mortadelle. Ah non. C'est pas de la viande. Tu vois. Est-ce que c'est une banane ? Du fromage. C'est pas une banane. Bah, même si avec de la banane, on pourrait en faire, tu vois. En fait, 3 kilos, c'est pas tant que ça, je trouve. C'est pas tant que ça, mais quand tu sauras ce que c'est, tu te dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, on peut faire avec de la banane, de la confiture ? Non. Non. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Ouais, mais de confiture mais par an, est-ce que ça fait grossir ? Ah ouais, ça fait grossir. Avec de la banane. Ça fait grossir. C'est de l'huile d'olive ? Je sais ce que non, c'est. Non, mais ça fait avec de l'huile. C'est des chips. Bien sûr, bravo. 3 kilos de chips, ça fait, ouais. Ouais, ça fait un paquet par personne et par mois. Voilà. Oh, et sans augmentation. T'imagines qu'en 10 ans, la consommation a augmenté de 60%. Ouais, mais attends, mais moi, j'ai un mini coup de gueule à passer sur les chips. Eh ben, vas-y. C'est que c'est de plus en plus difficile de trouver des chips normales. Ouais, normal. Ouais, ça dépend si t'es en Belgique ou pas. Ok. Mais en fait, maintenant, t'as 70 variétés de chips. C'est vrai. Avec des goûts sortis de nulle part. Piment d'Espelette, confiture d'abricot, etc. On ne sait même pas où on habite. Et voilà. Et où sont les chips d'antan ? On se régale. Voilà, les chips. Mais non. Elles sont là aussi. Bah, après, c'est l'offre et la demande. Moi, il y a plus de demandes sur des saveurs exotiques. Moi, du coup, je boycotte l'ensemble du marché de la chips. Voilà. Et bah, il ne mangera pas ces 3 kilos cette année. Tu ne devrais pas parce que le premier producteur, donc je le disais tout à l'heure, c'est la France. C'est quand même 40% des chips. C'est vrai, l'économie, quand même. En Europe. Ça va, attends, t'as vu ce que je paye en impôts. Et oh, dis donc. Moi, je peux t'en faire une leçon sur l'économie. Moi, tu vas voir. Tiens, resserre-moi un petit. Petit rougeau, là. Ouais, donc c'est impressionnant. C'est le segment de transformation de la pomme de terre, la chips, qui est le plus en vogue. Il n'y a même pas que la pomme de terre. D'ailleurs, on commence à faire des chips de tout maintenant. On parlait de bananes tout à l'heure, betteraves, carottes, et j'en passe. Mais oui. Voilà. Ouais. Allez, on va revenir sur Nancy avec un musée qui a battu des records sur Nancy. Regarde pas, toi. Musée Grévin. Regarde. Mais j'arrive pas à lire à l'envers. Oui, mais c'est les images, moi, qui me. C'est le musée Grévin. Non, mais c'est... Alors, il a battu son record de fréquentation l'année dernière. Un musée à Nancy. Ouais. Alors, l'aquarium. Oui. Oh, tu l'avais vu? Non. T'étais au courant? Non. Parce que je connais pas tant de musées que ça à Nancy, moi. Bah, il y a Beaux-Arts. Et alors, il y a combien de, il y a eu combien l'année dernière, puisqu'ils ont battu leur record? De poissons. De poissons. C'est vrai ça? C'est vraiment les poissons? Dans le monde, non. Ah, dans le monde. Oui, il y avait une poisson dans le monde. Ça, c'est 2023. Tu sais, ça, c'est des questions qu'on pourrait te poser dans des entretiens. Vous avez jamais fait des entretiens où on te pose des questions un peu bizarres, genre combien il y a de poissons dans le monde ou? Non, oui. Vous avez jamais eu dans, c'est dans les big data, ils font ça, non, sur, non, mais moi, j'avais fait un entretien, c'était pour une école d'ingénieurs, et ouais. La question qu'on m'avait posée, c'est est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de vitres qu'il y a dans le monde? Oh, ça, c'est une belle question. Ah ouais, c'est et un autre, question. C'était évaluer le nombre de bateaux. Oui, c'est pour ta capacité de réflexion. Ouais, voilà, en fait c'est pour ça, voir comment tu dagnes. Et donc, c'était quoi la réponse pour les vitres? Je sais pas, moi j'avais lu, en fait c'était le bateau que j'avais eu et j'avais fait un truc un peu naze, j'avais dit genre ouais mais en fait il faut prendre le nombre de pays qui ont des rives, etc. Et là il t'a pas laissé finir la phrase, ok merci. Ouais voilà exactement. On va passer au prochain candidat. C'est ça. Donc oui, vous savez combien il y a eu de visiteurs l'année dernière? 7. Non, ah oui, c'est plus. Ils ont vraiment plus que doublé. Ouais. Non, mais moi aussi, je m'y suis trompé. J'avais proposé 12. Là. Mais non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Un milliard. Alors non, c'est quand même moins, parce que 1 milliard, ça voudrait dire que les gens n'arrêtent pas de rentrer à raison de 10 tout le temps. 10 par seconde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris le 25 décembre. Ouais. Donc compliqué. Non, c'est entre les deux en fait. C'est entre 1 milliard et 7. Wow. 1 500 000. Non, c'est moins d'un million. 4 000? 800, c'est plus. 800 000. C'est moins. 500 000. Ah ouais, vous êtes loin quand même, c'est moins. Ah ouais, mais il n'y a personne qui va à cet aquarium. Quand je vais te donner les chiffres en comparaison des autres musées. 300 000? Moins. 80 000. Plus. 100 000. Plus. 150 000. Oui, 150 000. Ah ben 151 voilà. 000, effectivement. Et c'est quand même le cinquième, en termes de fréquentation, je parle, c'est le cinquième aquarium de France. On est équivalent à l'aquarium de Lille. Lille, la métropole de Lille. Tu te rends compte quand même. La métropole de Lille, c'est machala, quoi. Il y a des poissons majestueux dans cette. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, moi. Oui, tu tapes poissons majestueux, Nancy. Et en fait, c'est que des petits poissons, je veux dire. Oui, mais majestueux. D'accord. C'est que des petits, en fait, aucun intérêt. Pourquoi 150 000 personnes? Moi, ce que j'aime bien dans les aquariums, c'est le côté, tu vois, t'as le requin qui arrive et qui va foncer sur la vitre. Alors, il y a du personnel. Il y a du personnel qui fait ça. Ce qui ressemble à des requins. Bon. Voilà, on leur met un aileron. Ils sont deux, généralement. Un qui fait la tête, un qui fait la queue. Et ça fait la peur. La nageoire. La nageoire, bah la queue aussi, non? Il peut faire la queue, hein. Il peut faire la queue. La nageoire, ouais. Voilà. Et ça amuse les enfants. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a plus de 150 000 personnes qui y vont. Non, ils sont contents. Ils ne cherchent pas à faire beaucoup plus, à battre des records. Ce qu'ils veulent, eux, c'est accueillir dans de bonnes conditions les gens. Ça fait à peu près 500 visiteurs par jour, quoi. Bien joué. Grosso modo, ouais. Toi, on voit que t'as fait une école de commerce. Après, d'ingénieur, pardon. Après, s'ils sont fermés un jour sur deux sur une année, ça peut être, ça fait. C'est gérable. 1000 visiteurs par jour, quand même. Hein, c'est gérable. Ouais, oui. Bon. Attends, bon. Combien par jour t'as dit? 500 000. Non, 1000. Ouais. 500 1000. Millions. Ouais. Non, ouais, c'est une bonne nouvelle. Enfin, je finirai le quiz actu là-dessus parce que c'est quand même félicitations à eux. Parce que on se dirait quand même Lille a une métropole quand même beaucoup plus importante et en plus en bord de mer, enfin à 80 bornes de la mer. C'est pour ça que les gens veulent pas aller à l'aquarium, parce qu'ils disent attends, on a l'océan à côté, on va pas payer la place. Hein. C'est pas faux. Je pense que c'est ça. Effectivement. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. C'est déjà la fin de cette émission. Samuel, ça s'est passé comment? C'était cool. T'as pas vu le temps passer. Tu veux faire une dédicace à tes camarades? Ah ouais, tu veux passer un mot? Non, surtout pas. Il a clairement honte. Il va même pas dire à ses potes d'écouter l'émission. Ouais, alors c'est la meilleure émission. Hein, si, de si. Alors vas-y. Je veux juste lui dire que je les aime pas, c'est tout. Ah bah voilà. Okay, voilà. Bah, c'est la petite dédicace qui fait plaisir. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Alors à quelqu'un que tu aimes bien, t'aurais un coucou à faire ou c'est privé? Un pote de CP. Ah. Que je connais depuis le CP. Il y a 2 ans du coup. Oui. Ah ouais, passé de CP. Ouais, et il s'appelle comment? Il s'appelle Noah Colas. Noah Colas. Salut Noah Colas, tu viens quand tu veux à la matinale de 18h pour. Et t'as pas des petites. Des demoiselles à saluer? Si. Alors? Il y en a deux. C'est des jumelles, c'est Emma et Léa Motika. Voilà, et bah voilà, allez, on pense à elle. Emma et Léa, un coucou. Comme ça, la parité est respectée. Voilà. 50-50. On demain pense soir, à... si vous voulez voir de l'impro, il y a le dernier match de poule de la Stan Cup. C'est à la MJC Bazin et c'est à 20h30. Non, c'est à Pichon, non? Oui, c'est Pichon. Oui, je sais pas okay. pourquoi je dis Bazin. C'est quand même 20h30. Merci. C'est à 20h30, vous pouvez réserver ou prendre votre place sur place. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans 15 jours. Il n'y a rien à voir, Samuel, il n'y a rien à voir. Il regarde l'Est Républicain. Oui, tu veux reprendre l'Est Républicain? Tu peux le prendre, l'Est Républicain. Ah, oui, tu l'encadres. Voilà. Nous, on se revoit dans 15 jours et on fait des bisous, des coucous. Et puis voilà. Allez, oui, ciao, ciao. Salut.